Nacional. Longe da vista, perto do coração. Arc-en-ciel.

seule dans ta chambre et tu twerk. Attends. Thank you. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc l'heure de se retrouver. Voici donc eh bien, l'émission tout simplement de l'accordéon musette. Voilà donc, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé tout simplement bonne matinée. Vous allez continuer de passer un excellent après-midi avec bien sûr de l'accordéon. Alors si pour le temps, eh bien, on ne sait pas comment vraiment être bien, parce que hier un peu de pluie, aujourd'hui du soleil, voilà donc c'est pas comment. Donc mais la musique, lui, est toujours là, même le temps qu'il fait. C'est pas grave, l'accordéon est toujours présent. Donc on va débuter donc eh bien l'émission avec le Madison et puis juste après la valse. Voilà donc eh bien je vous souhaite de passer tout simplement bon après-midi tout simplement. toi, ma douce Marie. Mais un beau jour, je reviendrai. Nous irons voir monsieur le curé. S'il veut bien, enfin nous marier. Nous vivrons au milieu des prés, dans un rêve réalité. Je sais, tu m'attends, c'est trop dur vraiment. L'éloignement d'un cœur qui t'aime. Mais tu sais, Marie, moi je t'aime aussi. Demain, je reviens. Nous vivons au milieu des prés, dans un rêve. simplement eh bien, du tango et puis suivi de la marche. We'll be right back. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc un mélange avec tout simplement la marche et la valse, et puis juste après, du passo. Thank you. Alors voici le passo. Thank you. Arc-en-Ciel. Voici donc l'ambiance des montagnes, et puis juste après, Muzerka. Thank you.

et puis juste après la polka. Thank you. en a l'air chouette, et même distingué. C'est une moto bécane à pousser en quatre pannes. Je fais du 35 à l'heure, c'est le bonheur. Un jour dans un Valmusette, j'étais en train de danser avec une midinette du village d'à côté. Elle me dit j'ai pas de voiture, peux-tu me ramener? Je l'ai monté sur le porte-bagages, c'était très gonflé. Voici donc un autre morceau, la Java, et puis juste après le country. Voilà donc après le country, voici donc du Madison et puis un petit coucou tout simplement à Chantal, ça l'écoute. De country, puis juste après le zouk. Marseille chanter sur l'hexagone. La vigne sonne et de Marseille jusqu'à la Somme on se met à danser. L'accordéon, c'est le cœur de la France. Vive les petits valets, vive la danse populaire qui balance dans le top 5 au lycée qui danse. L'accordéon, c'est le cœur de la France. Je sais bien où va ma préférence. C'était pas tant le cœur battant d'être français, d'écouter tout le pays chanter sur l'hexagone. Le vigne seul et le Marseille jusqu'à la Somme on se met à vers l'horizon. Ils sont branchés fréquents à Corléon. Le berger dans les champs qui mène le troupeau à l'oreille collée à sa radio. Les amants de Pénet dans un petit hôtel ont une javanette dans les prunelles. Midi sur le clocher, c'est l'heure de l'apéro dans le jukebox Maurice ou Bécaro. Voici la Val, plutôt la Java, et puis juste après un petit tour du côté de l'Espagne, et puis un petit coucou tout simplement à Monique.

c'est donc que de la bourrée. L'accordéon du printemps et puis juste après le Madison. l'accordéon rétro et puis juste après Bavière. Thank you. voici donc l'accordéon reggae, puis juste après le boléro. Thank you. donc de la polka et puis juste après la samba. sujet. Il vous suffit juste de bouger puis de regarder. Déhancher à droite, bouquet, déhancher à gauche, bouquet. Des façons si belles comme les vagues éternelles. Plus près dans l'accès, bouquet, puis que les serrer, bouquet. Quand on a compris, on peut recommencer. À la Martinique, c'est fantastique, tout le monde vient bouquet. En gage typique, c'est à peu près comme le merengue. C'est inexotique au doux parfum des vacances d'été. De l'air à musique pour bien zouker sous les cocotiers. Voici donc du Madison et puis juste après Musette Country. prêtre, c'est sympa, tu verras. Regarde, surtout n'oublie pas. Vas-y, réveille-toi, tout le monde chez moi. Il n'y aura pas d'excuses valables. Tous les absents seront coupables. Vous connaissez la route qui mène chez moi. Surtout n'oubliez pas, non, n'oubliez pas, ouais. Il faudrait que la musique s'apporte. Tu calmes au bon, ils ont de rock'n'roll. J'ai une indigestion de disco. Et tous ces coups de vie me tapent sur les nerfs. Malheureusement, j'en ai vraiment ras le bol. Je préfère le bon temps de rock'n'roll. Je préfère le bon temps de rock'n'roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux, ça gueule. Où est le bon vivant de rock'n'roll? Depuis toujours entre nous deux, ça colle. Où est le bon vivant de rock'n'roll? T'as branché la radio, la musique coule à flot. Tu peux t'en servir un verre illico. Mets ta tête en vacances, ne quitte pas la fréquence. Allume donc l'ambiance et suis la cadence. 4, 3, 2, 1. Allez, tape, tape. Allez, tape, tape, tape tes mains. Allez, tape, tape, tape, tape. Tu te tapes sur les mains. Allez, tape tes mains. Allez, claque tes doigts. Allez, bouge, bouge, bouge les bouts. Arc-en-ciel. Voici la Mazuzika. Voici donc la valse espagnole et ces sortes de musique tout simplement qu'on va se quitter bientôt 16h. Voilà donc, merci, j'espère que vous avez passé tout simplement bon après-midi ma compagnie avec plusieurs morceaux d'accordéon différentes. Voilà donc, on va se retrouver donc bien dimanche prochain à partir de 13h30. Bien si on se retrouve donc bien aussi mardi et vendredi à partir de 13h30. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. vous dire, Delphine. Arc-en-ciel.